Et puis ce matin, la Bible dit qu'il envoie sa parole. Et sa parole accomplit un dessein dans nos vies. Et ce matin, tu vas prier que la parole de Dieu va accomplir un dessein dans ta vie. Au nom de Jésus, prie. Alors que la parole de Dieu vient, la Bible dit que la parole est puissante et tranchante. Et ça pénètre jusqu'au fond. Les désirs ou bien les sentiments que tu n'arrives pas à exprimer. La parole de Dieu touche ces sentiments. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est une lumière. Qui est une lumière, qui est une lampe, Seigneur, qui nous donne la lumière, qui nous montre la voie. Seigneur, qu'on ne tombe pas. Qui nous montre la bonne voie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Avant de commencer, je suis content que vous êtes là. Qui est là pour la première fois? Tu es là, on t'a invité. Tu es là pour la première fois. Il y a la sœur qui est là. Il y a une sœur qui est ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur, je pense qu'à la fin, jusqu'à la fin de ce culte, vous serez bénis. Alléluia. Et donc ce matin, nous voulons voir notre verset de la semaine. Alléluia. La semaine passée, c'était quel verset? Matthieu 6, 33. Est-ce que vous avez médité ce verset? Bien médité. Yeah. Et cette semaine, c'est quel verset? Matthieu quoi? Matthieu 10, verset 16. Ok, est-ce qu'on peut tous ouvrir la Bible à Matthieu 10, verset 16? Ok, Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16, verset de la semaine qu'on doit méditer. Alléluia. Qui dit quoi? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Colombe, tu es là. Alléluia. Yeah, donc, on va mémoriser ce verset ce matin. Alléluia. On va mémoriser la première partie et puis on va ajouter la deuxième partie. Matthieu 6, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas fait depuis là, qui n'est pas bon. On mémorise le verset et puis le verset. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Matthieu 10, verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, verset 16. On doit ajouter le verset. Sinon, tu vas mémoriser, par exemple, Matthieu 6, 33. Tu vas connaître le verset, mais tu ne sais pas là où se trouve le verset. Et beaucoup d'entre nous, on connaît le verset, on dit que Dieu a dit, mais on ne sait pas là où se trouve le verset. C'est parce que lorsqu'on mémorise, on n'ajoute pas le verset. Et c'est bon. Ah, donc maintenant, on va ajouter le verset. Pour que lorsqu'on commence, voici, vous êtes comme des loups, quoi. Tu vas savoir que c'est Matthieu 10, verset 16. Ah, est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi maintenant vous ne rappelez pas de là où se trouve le verset? C'est parce que vous n'ajoutez pas le verset lorsque vous mémorisez. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Donc, Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Et simple comme les loups. Oh, comme les colombes, forgive. Matthieu 10, verset 16. OK? OK, donc on va essayer de mémoriser la première partie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît. OK? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce qu'on peut répéter ça? Encore. Encore. Ok, cette rangée. Est-ce que tout le monde dit? Ok. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ok. Est-ce que ça passe maintenant? Qui n'a pas encore retenu, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes des brebis. Oh. Ouais, pourquoi on dit brebis, brebis, brebis? Dieu nous considère comme des brebis. Yeah. Alléluia. Ok, la deuxième partie. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ok? Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Soyez, est-ce qu'on peut répéter ça? Soyez. Encore. Soyez donc. Encore. Ok, encore. Soyez, et vous lire, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Est-ce qu'on peut répéter tous? Soyez donc prudents comme les serpents et simples. Prudents, prudents. Hein? Il y a, l'évêque a écrit un livre sur ce verset-là, cette partie. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez sages comme les serpents. Yeah. Les serpents ont beaucoup de sagesse. Il est mauvais, mais il a beaucoup de sagesse. Yeah. Il y a ce livre. Il faut lire ce livre. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez apprendre beaucoup de sagesse du serpent. Wow. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut reprendre tout le verset? Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, verset 16. Est-ce que c'est bon? Encore Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10. Voici. Soyez. Matthieu, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie. Et simple comme Matthieu 10, verset 16. Ok, donc tu avant et puis après. Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Est-ce qu'on peut dire ça pour la dernière fois? Matthieu 10, verset 16. Voici. Soyez donc. Matthieu 10, verset 16. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Donc, c'est le verset pour la semaine. Si j'étais toi, je vais aller chercher ce livre-là qui dit, soyez sages comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Et médite le verset. Et le Seigneur va donner la sagesse du serpent et la simplicité des colombes. Yeah. Donc, cette semaine, nous tous, on va méditer ce verset. Alléluia. Ton verset de méditation pour la semaine. Hein? Je vous envoie. Hein? Comme des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous comprenez? Yeah, va lire le verset. Si tu as un bon verset, si tu as une bonne Bible, ça va te donner des références qui vont t'aider à bien comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Et tu vas apprendre beaucoup de choses concernant ce verset. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'évêque qui a institué une telle chose? Alléluia. Waouh. Donc, on revient à notre parole. Alléluia. Wow. Mais avant, je vais vous demander, est-ce que vous êtes en train de jeûner? Est-ce que vous jeûnez? Est-ce que vous priez? Yeah. Faut prier. Faut prier. Qui n'a pas encore été à Kodesh pour prier? À part les nouveaux? Pas encore. Est-ce que vous allez cette semaine? Ah, Moïse, tu es là. Est-ce que cette semaine, vous allez... Hein? Je vous encourage, ça vous aide. Est-ce que vous avez vu comment on amène des sujets? Hein? Si tu es à la maison, tu ne vas pas penser à ces sujets. des sujets merveilleux, des sujets très importants. Alléluia. Et ça nous aide à apprendre comment prier. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne reste pas à la maison. Ne dis pas que non, je vais prier à la maison. Va, essaie. Même si tu es occupé toute la journée, la soirée de 17h, il y a de 17h à 20h, 3 heures de temps. Ou bien très tôt. Si tu n'as rien fait, très tôt. La semaine passée, j'ai assisté très tôt pour 3 jours parce que j'étais à la maison. Très tôt, prier de 8h à 11h. Et c'était bien. Alléluia. J'étais étonné de voir beaucoup de personnes. Je croyais qu'il y aura peu de personnes. J'étais étonné de voir beaucoup de personnes. Alléluia. Donc, prier. Et tu vas à la fin, tu vas voir que le Seigneur va t'aider à avoir le désir pour la prière. Et tu vas, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Et puis, pour ajouter que l'accent, c'est sur la prière. Si tu ne jeûnes pas, ne dis pas que je n'ai pas jeûné, donc je ne vais pas prier. Si tu manges, essaie de prier pour 3 heures de temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu arrives à jeûner, jeûne. Et puis va prier. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc pour une raison ou autre, tu n'arrives pas à jeûner. Il faut quand même prier pour 3 heures de temps. Est-ce que c'est bon? On veut encourager les gens à prier parce que normalement, les gens disent le jeûne et puis ils sont là comme ça, ils ne mangent pas toute la journée et disent que j'ai jeûné. Ils ne font rien, ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas et puis disent que j'ai jeûné. Non, ça, ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas le jeûne. Donc, dans cette église, l'accent, c'est sur la prière. Est-ce que vous comprenez? L'accent, c'est sur la prière. Le jeûne, c'est bon. Et on encourage les gens à jeûner, à ne pas manger. Parce que lorsque tu ne manges pas, ça t'aide spirituel durant le temps là. Est-ce que vous comprenez? À réduire les trucs de la chair. Et sa tête à être un peu plus spirituelle. Mais si tu n'arrives pas, il n'y a pas de problème. Il faut prier. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Yeah. Alléluia. Donc, tout le monde doit avoir le livre. Si tu es membre de cette église, il faut acheter le livre. Même si tu n'es pas membre, ça va t'aider. Il faut acheter, tu vas lire. Tu vas voir que il y a beaucoup de choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Vous êtes bénis. Ce matin, Satan veut vous isoler. Yeah. Satan veut t'isoler. Ça, c'est le titre. Satan veut t'isoler. Page 30. OK. Marc chapitre 5, verset 1. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 5. Il dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint, Marc chapitre 5, verset 1, il vint au-delà de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit pur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Et il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Alléluia. Yeah. Vous avez vu dans ce passage qu'il était dans les sépulcres. Sépulcre, c'est où? Cimetière. Il était dans les montagnes. Il n'était pas avec les hommes. Alléluia. Donc, l'une des choses que Satan veut faire dans ta vie, c'est de t'isoler de l'assemblée, de t'isoler de l'église, de te séparer des autres. Yeah. C'est tout ce qu'il veut faire. Alléluia. Yeah. Wow. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. C'est ce que Satan veut faire. Satan, l'une des choses. Pour t'avoir. Parce que lorsque tu es dans l'assemblée, c'est difficile de t'avoir. Lorsque tu es avec les autres, c'est difficile. Lorsque tu es dans l'église, c'est difficile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais pour facilement t'avoir, il crée, il t'isole. Il t'amène un démon qui fait que tu te sépares. Et puis là, alors que tu es seul, il peut t'avoir. Est-ce que vous êtes là? Donc vous allez voir que l'homme de Gadaréni, l'homme là, qui avait la folie. La fois passée, il y a le pasteur qui a dit que tout le monde a un niveau de folie. Tu vois tes bêtises là. C'est seulement que tu n'as pas au niveau de l'homme là qui est dans la Bible. Parce que chacun a son niveau. Est-ce que ton niveau, c'est une petite cuillère? L'os là, c'est un bol. Hein? L'autre, c'est quoi? Le quoi? Hein? Et l'autre, le tank. Donc, tout le monde a un niveau. Petite, même petit, comment on dit, quantité de folie. C'est pourquoi tu te comportes d'une manière. Parfois. Mais lorsque c'est plein là, beaucoup, c'est là, lorsqu'on te voit, on les voit dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le monde a une petite. Et donc, c'est ça qui fait que tu te sépares. La petite folie là, c'est ça qui fait. Donc, Satan amène quelque chose pour te séparer. Pour te séparer. Une bonne chose, tu avais une bonne chose. Je vous disais, lorsque j'ai commencé, une belle chose, un beau mariage. Priscille, ça va? Ça va? Il y a un beau mariage. Et Satan entre dans le mariage. Et puis c'est sûr. Totale confusion. Séparation totale. Tu vas voir que on est divorce. On est à la justice maintenant. Satan entre. Et si Satan entre ici maintenant, tu vas voir confusion totale. A créé confusion et puis une séparation. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc Satan veut t'isoler. Satan veut te séparer. Alléluia. Donc on va voir deux choses, bien trois choses. Hein? Trois choses. Deux choses. OK? Deux relations, bien trois relations desquelles Satan veut te séparer. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Ok, je lis un peu. L'isolation est l'une des stratégies démoniaques fondamentales. Le fou de Gadara était isolé dans les montagnes, dans les tombeaux. Il marchait vivant dans la solitude, n'ayant personne à qui parler. Les démons le possédaient, s'assuraient qu'il était isolé dans les sépulcres. Alléluia. Wow. Il est important pour Satan de pouvoir vous isoler s'il veut pleinement mettre en œuvre son plan contre votre vie. Le diable est décrit comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque le diable vient, les personnes qui cherchent, les premières personnes, c'est les personnes qui sont séparées. Pas la foule. Parce que c'est pas facile d'entrer. Tu comprends? C'est pas facile. Donc dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Hein? Chaque fois on dans ce verset, mais on ne sait pas que c'est ça dans 1 Pierre. Est-ce que vous comprenez? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Wow. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, quelles sont les relations? Ou bien, qu'est-ce qui sépare d'abord? Qu'est-ce qui sépare? L'offense. L'offense. La première chose, c'est l'offense. Je vais t'offenser tout de suite. Et puis, c'est fini. Je n'ai pas de relation avec je n'ai plus de relation avec toi. Tu vas partir. Ou bien, l'offense. l'offense. Et Satan utilise ça beaucoup dans l'église. Christ utilise ça dans l'église, dans les relations, dans le mariage, à la maison. Tu vois les frères qui ne se parlent pas. Papa qui ne parle pas avec ses enfants. L'enfant qui ne veut pas parler à sa mère. Il y a offense. Pour faire quoi? Pour séparer. Et lorsqu'il sépare, mais il peut maintenant agir. Et lorsque vous êtes ensemble, non. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'offense. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'offense va toujours venir. Il y a quelque chose qui va créer, qui va te permettre à être offensé. Il y a toujours. Est-ce que vous comprenez? Il y a la chose qui est merveilleuse, que on n'est pas créé pour vivre en isolation, pour vivre seul. Dieu nous a créé pour nous mettre toujours avec quelqu'un, toujours dans un groupe, toujours. On ne peut pas être seul. On ne peut pas vivre seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, aussi longtemps que tu es avec une personne, il y aura offense. Aussi longtemps. Aussi longtemps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi alors qu'il y a des groupes, les gens ne veulent pas intégrer le groupe. Les gens ne veulent pas intégrer la chorale à cause de ça. Les gens ont quitté la chorale, ont quitté le groupe de langue, ont quitté le groupe de rap, ont quitté le groupe d'instrumentistes, ont quitté les groupes, ont quitté l'église à cause de l'offense. Et c'est le plan de Satan, c'est ce qu'il veut faire. Il veut que tu quittes. Il veut que tu quittes. Est-ce que vous avez compris? L'offense. Alléluia. Et parfois, la correction ou bien la réprimande. Qu'est-ce que Proverbe dit? Proverbe dit que le sage est content lorsqu'il est réprimandé. Mais le fou, non. Le fou sera fâché lorsque tu le réprimandes. Donc, lorsqu'on te corrige ou bien on te réprimande, ça crée une offense. Tu vas voir que le truc là, le démon agit. Le démon d'orgueil, ça c'est l'orgueil. Le démon d'orgueil va dire, mais pourquoi il va me réprimander comme ça devant tout le monde? Beaucoup de personnes disent ça. Pourquoi il me réprimande, il me corrige devant tout le monde comme ça? Pourquoi il m'a parlé devant tout le monde comme ça? Pourquoi? La fois passée, je disais, j'étais dans la chorale. Donc, ma voix n'était pas enregistrée sur le truc là. Ma voix n'était pas dans... Lorsque je commence à chanter, tout le monde se moque de moi. Se moquait de moi. Donc, parfois, durant la répétition, on va chanter, on va faire les voix ténor, soprano, alto, on va chanter, on va... Il y a une voix... Une voix qui est là, c'est comme, c'est pas alto, c'est pas ténor, c'est pas... mais ça, c'est qui? Donc, on va dire, alto, chanter seul. On va chanter, la voix n'était pas dans alto. Soprano, chanter seul. Soprano a chanté, la voix n'était pas là. Ténor, chanter. C'est comme la voix est dans ténor. Donc, on va dire, ok, 1, 2, 3, 4, chanter. Dans ténor, ils vont chanter, la voix n'est pas ok, venez à côté. 1, 2, 3, chanter. 1, 2, 3, je suis dans le 3. On chante et c'est moi. On me dit ok, va à côté. Donc les autres vont chanter et puis on vient chanter, la voix n'est plus dedans. On va dire, le problème c'est toi. Et puis je disais, par une certaine... Je n'étais jamais offensé. Parce que pour moi, je suis en train d'apprendre. J'étais en train d'apprendre parce que... Et puis, parfois ça me fait rire. Durant les temps là, ça me fait rire. En tout, parfois c'est la nuit, c'est une veille de répétition. Et moi, donc on me met à côté, on va chanter, on va dire, ok, viens chanter, on va voir. Oh, je vais chanter, on dit non, chante comme ça. Je vais essayer, on va chanter comme ça. Les gens ont commencé à rire. pour moi, c'était une formation. Donc, je n'étais jamais offensé. Jamais, parce que je sais que je vais chanter. Et je voulais chanter. Et je vais apprendre à chanter. Yeah. Même aujourd'hui, j'apprends comment chanter ténor. Parce que je suis dans la chorale, je vais dire, ok, ténor va chanter. Donc, il y a une personne qui chante ténor. Donc, je vais aller à côté. Et puis, je vais apprendre comment chanter. Est-ce que vous comprenez? Donc, le cœur de dire que je veux apprendre, ça t'aide lorsqu'on te corrige. Ça t'aide lorsqu'on veut te corriger. Sinon, tu seras offensé tout de suite. On ne peut pas te former. Tu ne vas pas apprendre. Le sage veut apprendre. Donc, lorsqu'il veut être meilleur, donc lorsque tu le corriges, il est content. Mais le fou, non. Ah, non. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose aujourd'hui matin? Le Satan veut t'isoler du groupe, de cette bénédiction du groupe. Cette bénédiction. Durant le temps de formation, mais j'ai appris à louer le Seigneur. Et ça, ce sont des choses qui m'aident aujourd'hui. Si je ne loue pas, si je n'adore pas le Seigneur, c'est comme je suis perdu. C'est comme Dieu n'est pas là. J'ai toujours un chant que j'écoute. Toujours, j'ai en train d'écouter un chant. J'étais en train de louer le Seigneur, j'étais en train de chanter. Et c'est ça qui m'a aidé. Donc, si j'étais fâché, j'étais offensé, puis qu'il était dit que les gens se moquent de moi, je vais rater ça. Et je ne serai pas à l'église aujourd'hui. Je vais quitter l'église même. J'allais quitter l'église même. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'aimes pas la correction, ce n'est pas une bonne chose. La correction, tu seras toujours corrigé. Parce qu'on n'est pas parfait. Dans ton boulot, on va te corriger. À la maison, tu vas corriger. Ma femme me corrige chaque jour. Faut me corriger. Ah, est-ce que je suis bien habillé? Yeah, c'est la correction de ma femme. Parce que je ne savais pas comment s'habiller. Yeah, je ne savais pas. Je vais porter à dire non. Dis mon frère, ça là, non. Ça ne sort pas. Mon frère, ça ne sort pas. Tu vas dire comment est-ce que c'est comment? Non. Tu seras fâché, tu vas voir que le mariage c'est une confusion, totale confusion. Donc dans tout aspect de ta vie, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va te dire que ce que tu veux là, c'est pas bien. Donc si tu n'as pas des amis qui te corrigent, ce n'est pas des bons amis. Si tu n'as pas d'amis qui te disent la vérité, ce n'est pas de bons amis. Ce n'est pas de bons amis. De bons amis peuvent te dire que mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Arrête. Et tu dois remercier l'ami qui te corrige, qui te dit que ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est bien. Tu dois remercier cet ami. Parce que ça te permet que tu deviennes meilleur. Yeah, chaque fois, je dis à ma femme qu'elle m'a aidé à être meilleur. C'est pas super, mais c'est mieux qu'avant. Ah, toujours. Par ma femme, j'ai appris la patience. J'ai appris le pardon. J'ai appris à ne plus se rappeler des choses, des offenses. Parce qu'avant, je vais lui rappeler des offenses. Elle m'a dit, ah, j'étais pardonné de tout ça là. Pourquoi tu me rappelles de ça? Yeah? Pour elle, lorsqu'elle dit, j'étais pardonné, c'est fini. On ne revient plus à ce sujet. Yeah? Et puis, j'ai appris ça parce que moi, je me souviens, je vais rappeler encore. Un jour, elle m'a réprimandé. Dit que pourquoi tu me rappelles de ça? Parce que je t'ai pardonné, c'est fini, j'ai oublié. Et c'est de là que j'ai appris ça. Donc, chaque fois que tu es avec quelqu'un, que la personne te corrige, tu dois remercier cette personne. Les gens qui n'aiment pas la correction. Tu n'es pas bien habillé, on te dit comment? Et ça là, c'est pas bien, est-ce que tu peux? Tu es fâché. Dit que cette église-là, ces personnes-là, yeah. Alléluia. Et ça t'isole. Tu deviens seul. Tu ne peux pas te marier avec ça. Tu es facilement offensé. Et je vous dis, si maintenant, moi, je ne suis pas facilement offensé, toi aussi, tu peux être facilement offensé. Yeah? Vous comprenez? Yeah. Moi, ma bergère, je l'ai amenée ici, la fois passée là. Yeah, elle est merveilleuse. Quel que que soit mon attitude, elle est toujours là. Elle n'est jamais offensée. Moi, j'étais toujours offensé contre elle. Yeah, toujours. Elle va me regarder, elle va se commencer à rire. Yeah. Donc, si par la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est, je ne m'offense, il y a des choses qui ne m'offensent pas. Vraiment. Cela veut dire que toi aussi, tu peux ne pas être offensé aujourd'hui. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, on n'a pas beaucoup de temps. Forgive. Yeah, on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Donc, la principale chose, c'est l'offense. Et l'offense vient lorsqu'il y a correction, bien réprimande. Tu dois être content lorsque quelqu'un te réprimande. Tu dois être content lorsque quelqu'un te corrige. Tu ne vois pas lorsqu'à l'école, lorsqu'on te corrige, tu connais. Ou bien, yeah, pourquoi il y a la correction à l'école? La correction pour t'aider à connaître. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours correction, correction. Donc, si tu es là et personne te corrige, c'est pas une bonne chose. Personne ne peut te dire que non. Personne ne peut te dire que ça là, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Là, lorsque tu vis, il y a personne qui te dit que ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Vous êtes là. Vous comprenez? Yeah. Donc, tu dois toujours avoir quelqu'un qui va te dire non. Donc, il y a toujours, il y a les pasteurs qui sont là, il y a les bergers, il y a des amis. Ils sont là. Alléluia. Pour t'aider. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais Satan utilise ça. Alléluia. Mais les trois relations. Relation avec l'église. Relation avec tes amis. Et relation avec le pasteur. Là, ta relation avec Dieu, l'église, le Dieu. Ta relation avec ceux qui sont autour de toi. Tes amis, tes parents, bien ta femme, bien ton mari. Relation avec le pasteur. Yeah. Dieu, Satan veut t'isoler de ce, veut te séparer de ces relations. Yeah. Et ces relations sont une grande bénédiction. Yeah. Grande bénédiction. La bénédiction. Ces jours-ci, je veux même pas parler de ma femme. La relation que j'ai eue avec ma femme. Cette relation a une grande bénédiction pour moi. Je peux même pas compter. Yeah. Grande bénédiction. Grande bénédiction. Relation avec l'église. Si ce n'est pas l'église, je ne serai pas ici. Si ce n'est pas Dieu, je ne serai pas ici. J'ai été plusieurs fois offensé. Je me rappelle, j'étais offensé et puis j'ai arrêté l'église. J'ai fait 2 semaines à la maison. Et le Seigneur m'a parlé. Il a dit, est-ce que c'est à cause de cette personne-là qui t'a offensé? Est-ce que c'est à cause de lui que tu viens à l'église? La personne-là qui peut mourir demain, c'est à cause de lui que tu me quittes? Et puis, je suis revenu. J'ai dit, Seigneur, merci. Donc, depuis le Seigneur m'a montré, lorsque je viens à l'église, ce n'est pas nécessairement à cause d'une personne. C'est à cause de lui. Donc, quel que soit ce que la personne a fait à moi, ça ne doit pas me déranger. Ça ne doit pas me séparer de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es à l'église ce matin, peut-être à cause de quelqu'un, je te dis que non, ce n'est pas à cause de quelqu'un. Vraiment, c'est la personne est là pour t'aider, mais c'est à cause de Dieu. Yeah. Parfois c'est comme si c'est à cause de quelqu'un. Donc, lorsque la personne ne vient pas à l'église, il n'est pas venu, donc moi je ne viens pas. Tu es perdu. Yeah. Tu regardes quelqu'un avant de venir à l'église, tu es perdu. Yeah. Parce que le jour là, la personne ne vient pas venir. Parfois c'est comme les bergers. Oh, je regarde le berger puis je viens. C'est bon. Mais si le berger ne vient pas à l'église, tu dois venir à l'église. Ou bien, yeah, tu dois venir à l'église. Ce n'est pas à cause de ton ami que tu ne viens pas à l'église. Non. Parce que ta relation, c'est avec Dieu. Il y a une relation entre toi et Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ah. Et dans l'église, il y a beaucoup d'offenses. Parce que lorsqu'on a dans pensée que l'église sont des anges qui sont à l'église. Donc, dans les anges ne font pas des péchés ou bien? Ils sont des anges. Ou bien? Yeah. On n'espère pas que les chrétiens font certaines choses. Mais je te dis que les chrétiens sont des chrétiens, des hommes. Yeah. Ils vont faire certaines choses. Mais ça ne doit pas te séparer de Dieu. Alléluia. Il faut juste prier pour toi, mais parce que tu veux aussi faire la même chose. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Vous êtes bénis. Yeah. Et ta relation avec le pasteur, ton père spirituel. Yeah. Je vais t'offenser chaque jour. Et moi, je vais te dire la vérité. Et qui va te faire comment? Tu vas dire le pastel. Alléluia. Yeah. Et lorsque cette relation, lorsque tu es offensé, lorsque je prêche, tu ne vas jamais recevoir. La bénédiction qui va venir de moi, tu ne vas jamais recevoir. Parce que tu es offensé. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On va continuer la semaine prochaine. Levez-vous. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. Levez-vous. Remercions le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Dis merci. Dis merci. Les anglophones nous attendent. Dis merci ce matin. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons ce matin. Prie que le démon d'offense ne t'isole pas de l'église, de tes relations. Que le Seigneur te donne les relations spirituelles, pas les relations sexuelles. Les relations spirituelles. Au nom de Jésus, prie ce matin. C'est un démon qui te dit de quitter. C'est un démon qui t'offense et tu dis que non, ne viens plus. C'est un démon qui te dit ne pas plus à cette personne parce que la personne a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. C'est un démon. Parce que chaque relation a une bénédiction. Au nom de Jésus, prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Libère-toi de ce démon. Libère-toi. Prie que le Seigneur te donne un bon cœur. Un bon cœur. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui n'est pas offensé. Un cœur. Oh, qui n'est pas irrité, irrité, irrité, irrité. Oh Seigneur, merci. Merci pour les relations merveilleuses que tu te donnes. Les relations avec l'église, les relations avec les pasteurs, les relations avec les autres chrétiens, Seigneur. Les relations avec les groupes, la chorale, le rap, la danse, Seigneur. Merci pour ces relations. Ces relations nous bénissent, Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin que rien ne va nous séparer. Rien ne va nous isoler, que nous soyons seuls. Parce que lorsque nous sommes seuls, Satan va nous avoir et va nous détruire. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que tu as chassé ces démons. Tu as chassé ces démons. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Et tout le monde dise amen. Alléluia. Je veux prier pour toi avant de s'asseoir. Si tu es là, fermez les yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux. Si tu es là, tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas le salut. Mais ce matin, tu veux recevoir le Seigneur. C'est le commencement de la relation avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur commence avec le salut. Si tu es là, tu n'as pas ce salut. Tu n'as pas Jésus-Christ comme ton sauveur. Ce matin, je veux prier avec toi pour recevoir le salut. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? On va prier avant de partir. Tu veux dire, Seigneur, je veux avoir une relation avec toi. Je veux être sauvé. Je ne veux pas aller dans l'enfer. Parce qu'à moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Est-ce que tu peux lever la main? On va prier ensemble. C'est pas la honte. C'est la vie et la mort. C'est l'enfer et le ciel. Tu veux aller au ciel. Tu ne veux pas aller dans l'enfer. Lève la main. On va prier avant de partir. Lève la main. Merci, ma sœur. Merci. Merci. Merci. C'est une décision spirituelle. Une décision très, très importante. Très, très importante. Ta vie avec le Seigneur, ta relation, tes bénédictions, tout ce que tu vas recevoir de Dieu dépend de cette relation. Donc, si tu n'as pas cette relation et tu n'as pas cette décision, tu n'as pas pris cette décision et tu veux prendre cette décision, lève la main. C'est très, très important. C'est plus qu'autre chose. Parce que tu peux avoir le monde entier, toutes les richesses de ce monde, tout ce que, dont tu as besoin de ce monde. Mais à la fin, tu vas voir que c'est inutile. Tu vas aller dans l'enfer. Donc ce matin, lève la main. C'est plus important qu'autre chose. Autre chose. Tu es là depuis, mais tu n'as pas pris cette décision. Tu peux prendre ça maintenant. Tu prends ça maintenant. Seigneur, merci. Ma soeur, tu peux venir, on va prier. Prie. Merci. Merci. Merci. Merci. C'est bon. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Ce matin, je veux te rassurer que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il a envoyé Jésus pour te sauver, te délivrer de beaucoup de choses. Et c'est le commencement d'une bonne relation que tu auras avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Et lorsqu'on fait cette prière, le Saint-Esprit viendra rester avec toi. pour te rassurer. Quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, ton passé, quel que soit le Seigneur t'aime, quelle que soit la situation, fermez les yeux. Fermez les yeux. Et ma soeur, répète avec moi. Dis, Seigneur, je te remercie que tu m'aimes tellement que tu as envoyé ton Fils. Ce matin, je reconnais que j'ai besoin de cet amour. Cet amour sans condition. Seigneur, j'ai eu un passé. Mais ce matin, j'ai compris que tu m'aimes toujours. Et ce matin, je prends cette décision de t'aimer. Je prends cette décision de croire que Jésus est mort pour moi. Il a versé le sang pour me racheter. Il a versé le sang pour pardonner, pour laver mes péchés. Ce matin, je demande pardon. Pardonne-moi. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je veux vivre avec toi. Je veux servir, je veux te servir. Je veux te servir le reste de ma vie. Aide-moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit mon ami. Seigneur, merci. Au nom de Jésus.